besoin de présentation, mais plutôt quelques explications. On rappe pas pour faire les beaux ou remporter les élections. Dans double face, c'est mon propre reflet qui dans mes chansons passe. Maintenant c'est à vous d'écouter, parce qu'un jour ça va bien, un jour ça va mal, un jour on pense à rien, un jour notre tête déballe. Double face, c'est double personnalité. Un jour tu m'aimes, le lendemain tu me détestes. Il paraît que j'ai changé, n'est-ce pas mieux d'avoir deux personnalités plutôt qu'aucune et se faire détester. Ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est l'autre qui le fait, et nos morceaux sont forgés comme du fer. Et maintenant prêt à affronter les critiques ou les acclamations. La première phase, c'est Xnico, la deuxième, c'est Morfino. Et regarde que ça forme un CD et une ambition hors norme. Double face, on est deux. Double face, on sait ce qu'on veut. Double face, on est pareil. Double face, pas besoin d'oseille. Double face, on est deux. Double face, on sait ce qu'on veut. Double face, on est pareil. Double face, pas besoin d'oseille. Double face, Xnico, Morfino, dans la place. Tous nos adversaires, on est face. C'est ce qu'on vaut, pas besoin de menace. C'est ce qu'on raconte, et les morceaux montent. Ça sort direct de ma tête, et ça va dans la tienne. Ça retourne dans la mienne, quand tu bats ton challenge scène. Double face, on s'arrache pour vous. On prend du temps pour vous, on ne vit pas comme des petits fous. On ne vit pas excentrique, sinon ça passe électrique. Comme la chaise, mets-toi à l'aise, ou tes oreilles. Parce que tu n'entendras pas trois fois. On n'a pas besoin de check pour rapper. On fait tout avec notre volonté, on ne fait qu'avancer. Mon Fino, mon blaze, si t'aimes pas fil, naze. Double face parce qu'on fait pareil, et toujours pas besoin d'oseille. On avance dans le noir, jusqu'au bout de la gloire.